cours numéro 34. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. donc في هذا الفصل المهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il a cité un autre fondement important dans la croyance de أهل السنة والجماعة. Et c'est le fondement de l'Iman, la foi. قَالَ وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ. Donc, عند أهل السنة والجماعة, الإيمان قول وعمل. الإيمان, c'est des paroles et des actions. قَالَ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ. الإيمان عند أهل السنة, قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاعْتِقَادٌ. C'est une parole, une croyance, et bien sûr, c'est des œuvres avec les membres. قَالْ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. Deuxième point, أَنَّ الْإِيمَانَ, il augmente et il diminue. Il augmente avec l'obéissance et il diminue avec la désobéissance. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِ وَالْكَبَائِرِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ بَلْ الْأُخُوَّةُ الْإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ الْمَعَاصِ كَمَا قَالَ فِي آيَةِ الْقِصَاصِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. Troisième point, أَنَّ les péchés, الذنوب, المعاصي, الكبائر, les grands péchés, ça ne fait pas sortir de l'Iman, ça ne fait pas sortir de l'Islam. فَلِهَذَا قَالُوا أَنَّ الْإِيمَانِ يَزِيدُ بِالطَّاعَ وَيَنْقُضُ بِالْمَعْصِيَةِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ. Donc, السُنِّي يَعْتَقِدْ أَنَّ la foi, elle diminue à cause des péchés. وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ أَي دُونَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ. Donc, si هذا المؤمن, c'est un مؤمن, اتأمل قوله لا يكفرون أهل القبلة أي الذين يصلون إلى القبلة المسلمون المؤمنون. Les croyants, même s'ils font des péchés, فهذا, ça ne les fait pas sortir de l'Iman. Ça fait diminuer leur foi. قال كما يفعله الخوارج. Ça, c'est la voix des خوارج qui font sortir المسلمون المؤمنون de l'Islam à cause des péchés. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال في آية القصاص. الأخوة, أي la fraternité entre frères, elle ne disparaît pas à cause des péchés. والدليل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الشاهد من الآية سيقوله عز وجل من أخيه, أي المقتول. لأن ce verset, il concerne celui qui a tué un muslim. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ, أي أخيه المقتول, celui qui a été tué, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé frère. أي frère de celui qui a accompli, qui a fait ce meurtre. فَلِهَذَا شَيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ il a démontré أَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةَ أَنَّ فَاعِلْ أَنَّ نَعَمْ لَا يَكْفُرْ أي فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سبحانه وتعالى سمى المقتول أخا للقاتل. donc الله سبحانه وتعالى il l'a appelé من أخيه. فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. أي si il pardonne à leur frère, أي celui qui a commis ce meurtre, فالحمد لله. donc ça nous montre que الله سبحانه وتعالى il l'a appelé أخ, أي le frère de celui qui a été tué. Le meurtrier et celui qui a été tué, ça reste des frères, malgré cet énorme péché qui est le meurtre. وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ وَإِنْ طَائِفَتَانْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَ عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Donc وجه الدلالة دو سو فيرسي il est clair. Il y en a plusieurs. قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالله سبحانه وتعالى il a appelé les deux groupes مؤمنون. وإن طائفتان من المؤمنين أي si deux groupes parmi les croyants اقتتلوا ils se combattent. Et là, chaque année, se combattre sans trop tuer, c'est un grave péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé les deux groupes croyants. Ça montre que ce péché, il ne faut pas sortir de l'islam. هذا أولا. ثم قال عز وجل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل آخره إنما المؤمنون إخوة. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés frères. Les croyants, ça reste des frères. Allez, si deux groupes de croyants s'entretuent, on doit faire des efforts pour les réconcilier, ça reste des croyants. Malgré que celui qui commet l'injustice, bien sûr que sa foi, elle diminue. Bien sûr qu'il est en tort, lakin dépasser les limites et le faire sortir de l'islam, ça c'est min madhab al-khawarij al-dullal. قال الشيخ سعدي رحمه الله قد دل الكتاب والسنة على ما قاله الشيخ أي الإمام ابن تيمية رحمهم الله جميعا وأجمع على ذلك سلف الأمة. Et les سلف ils sont unanimes. فكم من آية قرآنية وأحاديث نبوية أطلقت على كثير من الأقوال والأعمال الإيمان. Et on a deux exemples في المتن. فمن عفي له من أخيه. الله سبحانه وتعالى il a appelé celui qui a été tué frère de celui qui a tué. Et كذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الله سبحانه وتعالى il les a appelés croyants. قال فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه ويدخل فيه العقائد التي يجب اعتقادها في كل ما احتوى عليه هذا الكتاب. هنا on a un mot important que l'imam Al-Taymiyyah rahimahullah il a répété plusieurs fois dans ce passage, c'est l'iman al-mutlaq et mutlaq al-iman. الإيمان يزيد وينقص. الإيمان la foi elle augmente et elle diminue. Elle augmente bien sûr pour celui qui fait des bonnes actions et elle diminue à cause des péchés. هذا on est d'accord. فالإيمان il a un أصل, il a une base, c'est la croyance. Chaque مؤمن il a cette croyance. الإيمان بالله والملائكة والكتب etc. Les six piliers de la foi. Celui qui ne croit pas en six piliers ou en un pilier, c'est pas un mu'min. Et l'iman, comme taqaddam yazid, il augmente. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré, ou plutôt il a dit que l'iman c'était plus de 60 branches. Et dans une autre version, 70 branches. La meilleure, la plus haute, la plus élevée, c'est La ilaha illallah, al-tawhid. La plus basse, c'est Iman tato, al-adha an al-tariq. C'est enlever une chose qui gêne du passage des croyants. Wa al-haya, shu'batun min al-iman. Et la pudeur, ça fait partie de la foi. Donc, on revient à Hada al-lafd al-iman al-mutlaq wa mutlaq al-iman. Al-iman al-mutlaq. C'est l'iman al-kamil. C'est la foi qui est élevée. Mutlaqu al-iman, c'est l'iman al-naqis. Même si sa foi elle diminue à ce croyant, il lui reste la base. Ça reste un croyant. Donc, on se rappelle de ces deux choses. L'iman al-mutlaq, c'est l'iman al-kamil. Mutlaqu al-iman, c'est aslu al-iman. C'est la base de la foi. Donc, un mu'min, il peut avoir une baisse de foi. Il n'a pas iman al-iman al-kamil. Il n'a pas une foi élevée, haute. À cause de ses péchés, ça reste un croyant. لماذا لأنه يؤمن بالله. Il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, etc. Tu peux avoir un mu'min يؤمن بهذه الأصول et il fait beaucoup de khayr. Et il a un iman قوي. هذا العلماء يقولون il a l'iman al-mutlaq. Donc, si on l'a compris, ces deux notions, ces deux termes, فَبِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ ça va nous faciliter كَلَامَ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهِ. Donc, on répète son كَلَامَ قَالَ فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه وصوله وفروعه. Ça c'est l'Iman al-mutlaq al-kamil. Ça englobe tout le din. Celui qui a l'Iman al-kamil, qui a une foi élevée, il fait beaucoup de khayr, bien sûr qu'il croit en Allah azzawajal, en ses anges, etc. Et kadhalik, il fait du khayr. Bien sûr, as-salat, as-zakat, al-hajj, as-siyam, il aide les pauvres, il propage l'ilm, etc. وَيَدْخُلْ فِيهِ الْعَقَائِدَ الَّتِي يَجِبْ يَعْتِقَادُهَا فِي كُلِّ مَا احْتَوَى عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابِ. نعم. Ah, les fondements de la foi. Donc, al-iman al-mutlaq, ça englobe les fondements de la foi et, bah, de l'ulama, ils appellent al-furu'. Ah, des choses en plus. Donc, celui qui applique, hada al-iman al-azim, bien sûr, il aura une foi très très élevée. قال ويدخل به اعمال القلوب كالحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإرادة الله والإنابة إليه. نعم. كذلك ça englobe أعمال القلوب أي les œuvres du cœur, comme le fait d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنابة إلى الله. أما قوله وإرادة الله فهذا ينظر, est-ce que c'est une erreur, est-ce qu'un mot tasahhaf, لأن إرادة الله c'est la volonté d'Allah عز وجل. فهنا il a cité des œuvres de l'être humain, ثم قال وإرادة الله, هذا لعله c'est une erreur, ينظر dans des autres versions. على كل حال, ça englobe toutes les œuvres. قال والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله أن أقواله هي العقائد التي يعترف بها القلب ويعلمها ويعتقدها. ثم الشيخ سعدي رحمه الله, après avoir fait cette différence entre une foi élevée, complète, et une foi avec des manquements à cause des péchés, etc., il a cité, ou il a expliqué, قول المؤلف رحمه الله أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أو قبل ذلك, نعم, il a expliqué plutôt قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم, ce point avant d'expliquer أن la foi elle monte et elle descend. Donc, شيخ الإسلام رحمه الله, il a cité هذا الكلام. En général, في كتب العقيدة, tu trouveras une عبارة plus simple, une formulation, une phrase plus simple. أنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. La foi, c'est des paroles avec la langue. C'est des croyances avec le cœur. Et كذلك, c'est des actions avec les membres. هذا, c'est beaucoup plus simple. أما شيخ الإسلام هنا قال قول القلب واللسان. Il a cité la parole du cœur et de la langue. Donc, il a cité une parole pour le cœur. ثم قال وعمل القلب واللسان والجوارح. Et il a cité les œuvres du cœur, de la langue et des membres. Vous avez remarqué qu'il n'a pas cité l'i'tiqad, la croyance. Limadha li'anna il l'a fait rentrer dans qawl al-qalb et dans amal al-qalb. Et كلام الشيخ سعدي va nous simplifier هذا, inshallah. قال والفرق بين اقوال القلب وبين اعماله. La différence entre les paroles du cœur et les actions du cœur. Tu as deux choses pour le cœur. Tu as des paroles du cœur et tu as des actions de ce cœur. لأن شيخ الإسلام, on répète, قال قول القلب et قال عمل القلب. Donc pour le cœur, il a cité deux choses, des paroles et des actions. La différence entre les paroles et les actions du cœur, قال الشيخ سعدي أن أقواله, et les paroles du cœur, هي العقائد التي يعترف بها القلب ويعلمها ويعتقدها. Donc les paroles du cœur, c'est ce que le cœur il accepte, et ce que le cœur il connaît, ce que le cœur il croit. Et c'est les croyances du cœur. قال وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما les actes du cœur, c'est حركة القلب. Quand ton cœur, مثلا, il bouge, pourquoi? Parce que tu aimes pour Allah, tu détestes pour Allah, la pudeur, tu places ta confiance en Allah عزّ وجل. Tout ça, c'est des œuvres du cœur. Et بعض العلماء ils font pas de différence. عقيدة القلب أو القلب الاعتقاد بالقلب plutôt la croyance avec le cœur, ils font rentrer tout cela, il n'y a pas de mal. L'essentiel c'est de comprendre هذه الاصطلاحات. قال وضابطها محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر. Ça c'est les œuvres du cœur. C'est quoi les œuvres du cœur? C'est d'aimer le bien et de le vouloir et de détester le mal et d'espérer ne pas le faire. C'est ça les œuvres du cœur. قال والعزم على تركه لله وهذه الأعمال القلبية تنشا عنها أعمال الجوارح. Et on a Cheikh Saadi Rahimallah, il a fait le lien entre les œuvres du cœur et les œuvres des membres. C'est lié. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Dans le cœur, ou plutôt dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps sera bon. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc, si les œuvres du cœur, elles sont présentes, ça va pousser l'iman à appliquer. Ça va pousser Aqsud al-Insan à appliquer. قال والعزم على تركه وهذه الأعمال القلبية تنشا عنها أعمال الجوارح فالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد من الإيمان. Et ça, c'est un rab à Abdullah min al-Murji'a. On a parlé brièvement du premier groupe al-Khawarij qui accuse les croyants qui ont des faiblesses d'être des koufars, ils les font sortir de l'islam. On a un autre groupe, yaqulun anna al-iman c'est dans le cœur. Amma les actions qu'on fait min salat wa zakat wa sawm wa hajj jihad etc. Hada c'est pas ça fait pas partie de l'iman, c'est autre chose pour eux. Qala wa birru al-walidayn wa silatu al-arham wa al-qiyam bi huquqi Allah wa huquqi khalqihi al-mutanawwi'a kulluha min al-iman. Donc tout ça fait partie de la foi. Notre dîn, que ça soit des paroles, comme la lecture du Coran, comme le dhikr, comme le prononcer la shahada, comme conseiller avec la langue, tout ça fait partie de la foi. Kadhalik les actes du cœur, comme la sincérité, la véracité, placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, aimer pour Allah, détester pour Allah, etc. Et kadhalik les actions avec les membres, la salat, le siyam, la zakat, le hajj, etc. Donc, l'iman repose sur ces trois fondements. اعتقاد une croyance avec le cœur ou قول باللسان des paroles avec la langue ou اعتقاد بالقلب et une croyance dans le cœur qu'on a étudié والله الحمد dans ce livre. قال وكذلك الأقوال فقراءة القرآن وذكر الله والثناء عليه والدعوة إلى الله والنصيحة لعباد الله وتعلم العلوم النافعة كلها داخلة في الإيمان. Donc il a bien cité les croyances du cœur. Après il a bien cité les actes avec les membres. Thumma il a cité les paroles rahmatullah alayhi. Enfin, Cheikh Saadi il a cité ces trois fondements avec des exemples. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, il a simplifié et clarifié كذلك cette parole de Cheikh al-Islam قوله رحمه الله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قال شيخ العثيمين رحمه الله فجعل المؤلف للقلب قولا وعملا وجعل للإنسان قولا وجعل للسان قولا وعملا. نعم. Donc le مؤلف pour le cœur il a cité des paroles et des actes et pour la langue il a cité des paroles et des actes. قال رحمه الله أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق. أما la parole avec la langue c'est clair, c'est le fait de prononcer la shahada, lire le Coran, etc. وَأَمَّ عَمَلُهُ. On revient à Kalam Jir l'Islam, il a cité une parole pour la langue, ça c'est clair, et كذلك il a cité l'œuvre, une action de la langue. C'est quoi l'action de la langue? قَالَ شَيْرُ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّ عَمَلُهُ فَحَرَكَاتُ وَلَيْسَتْ هِيَ النُّطْقُ. Donc il y a une différence. Un nutq c'est prononcer, ça c'est une parole. Amma l'action de la langue c'est le haraka, c'est le mouvement. Qala Ibn Uthaymeen bal an-nutq nashi'un 'anha in salimat min al-kharas. Donc tu as l'œuvre, l'action de la langue c'est le fait qu'elle bouge. Si cette langue elle bouge, elle fait ce mouvement, enfin tu entendras la prononciation. Donc c'est lié. C'est pour ça que بعض العلماء ils disent qawlun bil lisan. Ils disent une parole avec la langue sans détailler. قال أما قول القلب أي une parole avec le cœur. قال شيخ العثيمين فهو اعترافه وتصديقه كما قال الشيخ سعدي أي c'est le fait de reconnaître, d'accepter avec son cœur. وأما عمله l'action du cœur فهو عبارة عن تحركه وإرادته مثل الإخلاص في العمل فهذا عمل القلب. كذلك العمل l'action du cœur c'est quand ce cœur yataharrak, ce cœur il bouge par rapport à une chose. Mathalan, il veut jeûner, فهذا القلب سيتحرك avec l'ikhlas, la sincérité. Ça c'est une œuvre du cœur. وكذلك التوكل, placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, et beaucoup d'autres actions du cœur. قال أما عمل الجوارح فواضح, les œuvres du cœur, فهذا c'est clair. Oh, les œuvres, أقصد عمل الجوارح, les actions عند des membres, فهذا c'est clair. Comme الركوع, السجود, se prosterner, كذلك قال القعود, le fait de s'asseoir pendant la salat, الجهاد, الحج, faire tawaf, الرمي, tout ça c'est des œuvres avec les membres. قال فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. Et كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a fait le lien. Cet homme ou cette femme qui font salat, qui vont au hajj, qui font siyam, pourquoi ils font ces actions avec les membres? Parce qu'ils ont la foi dans le cœur. C'est pour ça que عمل المنافقين il n'est pas accepté. Les ma'adha, les anahoum, ils font des actions avec les membres alors qu'ils ne croient pas. C'est ça un hypocrite. Anahoum, il ne croit pas et il fait apparaître l'islam. Un mal mu'min, sa croyance du cœur et ses membres, c'est toujours lié. ثم قال الشيخ ابن عثيمين فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء بقي الدليل la preuve que l'iman c'est des paroles, c'est une croyance dans le cœur et c'est des actions avec les membres. قال قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشره فهذا قول القلب. Ça c'est le cœur. قال أما أي قول القلب, ça c'est la parole du cœur, أي la croyance. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. Ça c'est la parole de la langue. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Ça c'est le premier j'ai dit نعم, ça le قول لا إله إلا الله, ça c'est l'action de la langue. أي هذا اللسان سيتحرك, il va faire ce mouvement pour prononcer cette shahada. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, ça c'est عمل الجوارح, le fait d'enlever une chose qui gêne sur le passage. Ça fait partie de l'iman. قال والحياة شعبة من الإيمان, ça c'est عمل القلب, ça c'est l'action du cœur, أي la pudeur. قال فهذا قول اللسان وعمله عمل الجوارح والحياء عمل قلبي عمل قلبي وهو انكسار يصيب الإنسان ويعترف عند وجوده ما يستلزم الحياء. نعم, la pudeur c'est une action du cœur. Et dans certaines situations, هذا القلب سيتحرك, et ça va pousser cet être humain à avoir de la pudeur. Donc le cœur c'est bien, la pudeur c'est bien une œuvre du cœur. قال فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا ويدل لذلك أيضا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. Un deuxième دليل من القرآن qui englobe les trois, et la croyance du cœur, la parole de la langue et les actions des membres. قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون, نعم ابن كثير رحمه الله et d'autres, أي صلاتكم إلى بيت المقدس, لأن quand la Qibla a changé de direction, avant c'était بيت المقدس, c'est en direction de القدس, Jérusalem, ثم الله سبحانه وتعالى أمرهم de se diriger pendant la salat en direction de Mecca, de la Kaaba. فالبعض se sont posé la question رضي الله عنهم par rapport aux salats d'avant. Certains, ils sont morts et ils n'ont jamais fait la salat en direction de Mecca. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Vous avez remarqué qu'il a appelé عَزَّ وَجَلَ الصَّلَاةَ إِيمَانَ. فَلِهَذَا قَالَ شَيْخُ الْعُثَيْمِينَ فَسَمَّ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ إِيمَانًا مَعَ أَنَّهَا عَمَلُ جَوَارِحْ وَعَمَلُ قَلْبْ وَقَوْلْ لِسَانْ. نعم. Et si tu réfléchis قليلا, la chose que tu vas t'apercevoir, la salat, elle est faite d'action du cœur, il faut être sincère, il faut être véridique, il faut avoir une intention, etc. Kadalik, des paroles, il faut réciter le Fatiha et des Adhka. Et kadalik, d'action, il faut faire ruku, il faut faire sujoud, l'inclinaison, la prosternation, etc. Hadihi adillatun min al-kitab wa min al-sunnah pour montrer anna al-iman, c'est bien des paroles avec la langue, des actions, avec les membres et une croyance dans le cœur. On revient à Kalam Shir Sa'di rahimahullah. Donc, pour l'instant, on a expliqué, walillahi alhamd, que la foi, inda ahl sunnah, c'est qawlun wa amalun wa i'tiqad, c'est des paroles, et c'est des croyances, et c'est des actions. Hada wadih. Et, al-an, on passe à un autre point important. قال ولهذا لما كان الإيمان اسما لهذه الأمور ترتب عليه أنه يزيد وينقص. Deuxième point important, après avoir compris la définition de la foi, عند السلف, أن هذا الإيمان, vu que ce iman il est fondé, cette foi elle est fondée sur des paroles, des actions et une croyance dans le cœur, ça va impliquer que cette foi elle va monter et elle va descendre. Et celui qui va faire beaucoup d'actions, مثلاً, sa foi elle va monter. Celui qui va contredire hada avec des péchés, ou il va délaisser certaines obligations, il va avoir des manquements, sa foi elle va descendre. Hada, c'est clair. قال وينقص كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة كما هو ظاهر مشاهد في تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وجوارحهم. Donc l'épreuve elle montre hada. Et ça y est, wa'aduha insha'Allah ta'ala, des preuves que la foi elle monte et elle descend. Et kadalik al-waqi'a. On est tous d'accord que les croyants, ils sont pas au même niveau. Ils sont pas au même niveau dans les paroles. Certains, mathalan, ils lisent beaucoup plus le Coran que d'autres. Donc on peut pas dire qu'ils sont pareils. Celui qui lit plus, bien sûr, sincèrement, etc., il a plus de foi que celui qui lit moins dans ce point. Wa hakada al-a'mal. Celui qui fait souvent le hajj, qui fait souvent l'umra, il fait des salats recommandées en plus, etc. Il a plus de foi que celui qui ne fait pas ces choses. Même dans le cœur, on n'est pas tous pareils. Est-ce que tazdiq Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, c'est comme tazdiq un musulman d'aujourd'hui? La croyance de Abu Bakr qu'il avait, c'est pour ça qu'ils l'ont surnommé as-Siddiq, le véridique. C'est le meilleur homme après les prophètes, alayhim as-salatu wassalam. Est-ce que c'est la même croyance que ceux qui sont venus après, ay min hayth al-ikhlas was-sidq, ay la véracité qu'il avait, la sincérité, c'est pas pareil. Ouais, il était beaucoup plus véridique que ceux qui sont venus après lui, radiyallahu anhu. Donc, hada, c'est clair. Qala wa min ziyadatihi wa naqsihi an qassama Allah al-mu'minin. قسم بتشديد السين أي كما في قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخره قال ومن زيادته ونقصه أن قسم الله المؤمنين إلى ثلاث طبقات. نعم, في هذه الآية قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, الله سبحانه وتعالى il a cité trois catégories de croyants. As-sabiquna bil khayrat, ceux qui se précipitent à faire le bien, wa al-muqtasidun wa adh-dhalimuna li anfusihim. Et ce verset, comme a dit le cheikh Sa'di rahmatullah alayh, il montre clairement que les croyants ils sont pas au même niveau. Fa matalan qawluhu as-sabiquna bil khayrat, qala le cheikh Sa'di wa hum alladhina addaw al-wajibat والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فهؤلاء المقربون. هؤلاء c'est eux qui ont le plus de iman. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les obligations et كذلك les adorations recommandées. وتركوا المحرمات, ils délaissent les interdits et كذلك ils délaissent المكروه. المكروه c'est quelque chose, vaut mieux le délaisser. Si l'insan il le fait, il a pas commis de péché, لكن s'il le délaisse, لله il est récompensé. فهؤلاء المقربون, هؤلاء c'est المقربون, c'est ceux qui ont le plus de foi. قوله ومقتصدون وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. هؤلاء c'est ceux qui se contentent du minimum. Ils font les obligations, ils s'écartent des interdits. Ils rajoutent pas les obligations. مثلا ils font les 5 salawat et ils délaissent le muharram, ils délaissent l'interdit. Amma le makruh, les choses détestables, ils ne les délaissent pas. Haoula, ils ont fait leur obligation. Muqtasidun. Donc ils ont moins de foi que as-sabiqun bil khayrat, al-muqarrabun. Ça, il n'y a aucun doute. La troisième catégorie, wa zalimun li anfusihim wa hum alladhina tajarra'u ala ba'd al-muharrama wa qassaru fi ba'd al-wajibat ma'a baqa'i asl al-iman ma'ahum. فهذا من أكبر البراهين على زيادة الإيمان ونقصه. La troisième catégorie, as-sahih, dans le verset, c'est que c'est des croyants. وَظَالِمُونَ لِأَنفُسِهِمْ. Et dans le verset, وَظَالِمُونَ نَعَمْ وَمِنْهُمْ ظَالِمُونَ لِنَفْسِهِ. قَالَ وَهُمُ الَّذِينَ تَجَرَّؤُوا عَلَى بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ. C'est ceux qui font certains péchés. Des petits, des grands. وقصروا في بعض الواجبات يدلس des obligations مع بقاء أصل الإيمان معهم لكن ça reste des croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi. يؤمنون بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام. Et ça reste des musulmans, لكن ils ont des faiblesses. Ils font des péchés, ils délaissent des obligations. À هؤلاء, ça reste des croyants, لكن leur foi, elle est très très faible. Par rapport à leurs agissements, par rapport à leurs péchés, à leur délaissement des obligations. قال الشيخ سعدي فهذا من أكبر البراهين على زيادة الإيمان ونقصه. Ça c'est la plus grande preuve que l'Iman il monte et il descend. والشيخ سعدي رحمه الله il a un kitab جميل جدا. Il l'a appelé شجرة الإيمان, l'arbre de la foi. Et il a détaillé tous ces points. Et en fait, ce passage, ce charh, c'est un résumé de certains passages de ce livre. Et inshallah ta'ala, on a l'intention de l'étudier, de l'enseigner à nos frères. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadaq. Une risala nafi'a jiddan. Il a expliqué la croyance de Ahl al-Sunnah dans la foi. Thumma il a montré les causes pour que la foi elle augmente, les causes qui provoquent la diminution de la foi. Et il a comparé cette foi à un arbre avec des branches, avec des fondements. Risalatun jamila jiddan. C'est min ahsan ma kutiba fi bab al-iman. Min hayth al-ikhtisar. En résumé, c'est une risala nafi'a jiddan. Qala fama a'zamu at-tafawud bayna ha'ula'i at-tabaqat. Une énorme différence entre as-sabiqun bil khayrat, mathalan entre les prophètes, les messagers et al-zalimun li anfusihim. Et certains croyants qui font des péchés et qui délaissent des obligations et qui ont une foi très très faible. Il y a une énorme différence. عند المرجئة المسلمون في الإيمان ils sont sawa. Tant que tu es un croyant, tu as la même foi qu'un autre croyant. لماذا لأن عندهم la foi c'est une chose qui ne monte pas, qui ne descend pas. فلهذا انحرفوا. وهكذا الخوارج ils se sont égarés via هذا الباب. Pour eux la foi, إما tu l'as, إما tu l'as pas. C'est pour ça que indahum, si tu fais pas de grand péché, tu as la foi. Si tu fais un grand péché, tu n'as plus la foi. C'est pour ça que cette aqida, le fait de croire, d'avoir la conviction que la foi, elle monte, elle augmente et elle descend, elle diminue. Bi'idhnillahi azza wa jal, ça préserve le croyant de s'égarer via hadha al-bab. Et celui qui a cette aqida, walillahi alhamd, il sera écarté, il sera loin de la voie des murji'ah. Et il sera loin de la voie de l'Khawarij. Walillahi alhamd. Qala wa min wujuh ziyadatihi wa naqsih. Il va citer des exemples. Fi ziyadati l'iman wa naqsih. Aïe, sur le fait que la foi, elle monte, elle augmente et elle diminue. Anna al-mu'minin mutafawitun fi uloum al-iman wa tafasilih. Faminhum man wassala ilayhi min tafasilihi wa aqaidihi khayrun kathir. Fazdada bihi إيمانه وتم به يقينه ومنهم من هو دون ذلك ودون ذلك. نعم. مثلا tu peux observer autour de toi que certains croyants ils ont atteint un haut niveau fil ilm, les savants, les étudiants, etc. Et tu trouves certains ils connaissent le minimum et ils ignorent beaucoup de choses. Ça montre ماذا, ça montre une différence fil ilm. Et bien sûr si ce ilm il est mis en application, ça montrera une différence dans la foi. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ Ils sont pas pareils, ils sont pas égaux. عند الله عز وجل. قال حتى تصل الحال إلى أن من المؤمنين من معه إيمان إجمالي ولم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. ومعلوم الفرق بين هذه المراتب. مثلا cette croyance qu'on vient d'étudier de أهل السنة والجماعة ولله الحمد. Et on n'a pas encore terminé, لكن il reste quelques chapitres. Certains croyants, ils ne connaissent pas tout cela. Ils ont un iman ijmali, comme a dit le Cheikh, rahimahullah. Et ils ont une croyance globale. Ils croient, bien sûr, en Allah, subhanahu wa ta'ala, en ce messager, au livre, etc., au jour dernier. Maintenant, le jour dernier, ils ne connaissent pas peut-être al-hawd. Ils ne connaissent pas al-tafasil fi shafa'a. Tout ce qu'il y a à l'intercession, les détails, tout cela, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas les détails dans les attributs d'Allah Azzawajal, dans les noms, dans les livres. Malgré cela, bien sûr, ça reste des croyants. Lakin, celui qui fait des efforts et qui connaît هذه التفاصيل, ces détails, et ce qui le pousse à apprendre, c'est l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il patiente et il met en application. C'est pour ça que tout au long de nos durous, que ce soit dans les noms d'Allah Azzawajal ou dans cette aqida, et كذلك le jour dernier, on avait cité les fruits de هذا l'iman, ce qui va aider le musulman à appliquer. Voilà, chaque année, il y aura une énorme différence. C'est pour ça que l'ulama, ils appellent, ou c'est pour ça que l'ulama, plutôt, ils citent dans certains points de l'aqida, comme on a fait ensemble, walillahi alhamd, al-thamarat, les fruits. Les fruits de ce iman, c'est quoi? C'est que celui qui applique, la chaque, il a l'iman, qu'un autre qui n'applique pas, il n'aura pas cette partie de la foi. L'iman, il l'ignore et il ne l'applique pas. Donc, ça montre que les croyants, ils ne sont pas au même niveau dans la foi. Qala, ومن وجوه زيادة الإيمان ونقصه أن المؤمنين متفاوتون تفاوتا كثيرا في أعمال القلب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها وهذا شيء محسوس. هذا سيكلير. Certains croyants مثلا ils font les 5 salawat. بعضهم يغاجوت الوتر, بعضهم يغاجوت الضحى, بعضهم يفوق قيام الليل 11 ركعة par exemple ou 13. Ba'dhum matalan ils font le jeûne du jeudi et du lundi. Ba'dhum ils font 3 jours par mois. Ba'dhum ils font siyam Daoud. Un jour ils jeûnent, un jour ils mangent, un jour ils jeûnent, un jour ils mangent. Est-ce que celui qui fait toutes ces nawafil, toutes ces adorations en plus recommandées, il est comme celui qui fait que l'obligation là? Qala wa min wujuh ziyadatihi wa naqsihi anna min al-mu'minin man lam تجرح المعاصي إيمانه وإن وقع منه شيء من ذلك بادر إلى التوبة والإنابة ومنهم من هو متجرئ على كثير من المعاصي ومعلوم الفرق بينهما. Si tu prends par rapport au péché, tu trouves certains croyants, ils font beaucoup de péchés. بعضهم يفهم, بعضهم يبوا, بعضهم ils ressemblent aux kuffars, بعضهم ils insultent, بعضهم ils mentent, بعضهم ils sont injustes envers eux-mêmes, envers les autres. Et tu trouves certains croyants, tous ces péchés, ils ne les font pas. Et là, chaque personne n'est infaillible, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé. Et ce croyant, si il lui arrive de faire un péché, si son iman, il est qawi, il est élevé, il se précipitera à faire tawba, à se repentir. Contrairement à celui qui a une foi faible, peut-être qu'il va faire certains péchés, ça devient une habitude et il ne fait plus tawba. Malgré cela, ça reste un croyant. Avec une foi faible. Donc on ne peut pas comparer. Les comparer, c'est de l'injustice. Dire qu'ils sont pareils, ils ont la même foi, c'est une grave injustice. Qui contredit les textes et qui contredit la raison. Hatta fi dunya, dans beaucoup de domaines, que ça soit dans le travail, que ça soit à l'école, que ça soit dans beaucoup de domaines, ils font une différence entre celui qui fait des efforts et celui qui en fait moins. Wa illa, si on met tous au même niveau, personne n'acceptera. Falihada al-murji'a ad-dullal, ils ont khalif al-nusus et ils ont khalif kadhalik al-ma'qul. Et il a raison. La personne n'accepte hada. Parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a wafaq, bien sûr. قال ومن وجوه زيادته ونقصه ان من المؤمنين من هو واجد حلاوه الايمان وقد ذاق طعمه واستحل الطاعات. استحل اي من الحلاوه, اي il a du goût, il ressent une saveur quand il adore Allah subhanahu wa ta'ala. قال واستنار قلبه بالايمان كذلك, Il ressent dans son cœur que sa foi, elle monte, une lumière dans son cœur. Et certains, ils ont beaucoup de mal à faire les adorations. Pourquoi? Il y en a, leur foi, elle est faible. C'est pour ça qu'ils s'accrochent et ils arrivent à faire, mais ils ne sont pas comme ceux qui trouvent cette saveur. On a fini donc la première partie du matn avec l'explication de الشيخ سعدي رحمه الله ثم لا دوزيام بارتي قال الامام ابن تيميه رحمه الله ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الايمان بالكليه ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزله بل الفاسق يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله في نسخه يا با لو مطلق هنا يدخل في اسم الايمان نعم لعله سيصا الصواب لأن الاسم المطلق أو الإيمان المطلق la foi élevée elle est citée après فلعله dans certaines نسخ نعم il y a cet ajout لكن الذي يظهر c'est que sans cet ajout c'est plus clair قال كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Ce passage est important. لأن الشيخ رحمه الله il a montré la voie de أهل السنة par rapport au فاسق. الفاسق الملي. الملي ça vient du mot ملة. الملة c'est la communauté. الفاسق c'est celui qui fait des péchés. Donc ce musulman qui fait partie de notre umma, il applique tawhid, il témoigne en la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, lakin il fait des péchés, donc c'est un fasiq. Et il fait partie de cette communauté. Ahl sunna, il ne lui retire pas l'iman. Ils ne disent pas que c'est un kafir. Limada, qala, wa la yukhallidunahu finnar. Kadalik, ils n'ont pas la croyance annahu s'il meurt. Et il n'a pas fait Taouba, il ne s'est pas repenti de ses grands péchés. Ils n'ont pas la croyance en Nahou, il ira en enfer éternellement. Contrairement à Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij, qui eux ont la ferme conviction, Yadam Billah, celui qui fait des grands péchés et qui meurt sans faire Taouba, il sort de l'islam et il ira en enfer éternellement. Wal-Ajib al-Naha'oula, c'est min akthar al-Nas, inhirafan. Et ils font partie de ceux qui font beaucoup de péchés. Ma'ahada, Yadam Billah, ils ont cette aqidah. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة نعم الشيخ ابن عثيمين لا فان تنبيه طيب أن ربما المطلق si on l'accepte et on le choisit ici ça revient à l'ism ça revient pas à l'Iman لأن الإيمان المطلق c'est la foi complète ou la foi élevée donc المطلق si on le laisse ça revient à l'ism الإسم المطلق أي ce mu'min, même s'il a fait des péchés, il est concerné par les textes et on ne le fait pas sortir de l'iman. Ça reste un musulman. فَمَثَلًا قَوْلُهُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ celui qui il fait certaines choses, il doit affranchir un esclave. Cet esclave, voilà, il a été précisé que c'est un mu'min. Est-ce que si on doit affranchir un esclave, on qaddar qu'on est encore dans une époque, on peut affranchir un esclave. Est-ce qu'on peut affranchir un esclave mu'min qui a fait des péchés? Non, limada li annahu il rentre تحت هذا الاسم المطلق. وإلا فعند الخوارج والمعتزلة لا. Al-Mu'tazila, ils ont un qawl, ils disent fi dunya, on dit pas mu'min, on dit pas kafir. Donc, ils accepteront pas. Al-Khawarij pour eux c'est un kafir clair. Donc, عند هؤلاء affranchir un esclave, il faut pas que cet esclave il fasse des péchés. Liana pour eux, c'est pas un mu'min. Indana, même s'il fait des péchés, tant que c'est un mu'min, si on l'a franchi, wallahi alhamd, on a fait notre obligation. Aïfi bab al-kaffara. Deuxième point important. Qal wa qad la yadkhul fi ism al-iman al-mutlaq. Ahuna, si on laisse al-mutlaq, la'allahu c'est l'iman al-mutlaq, al-kamil. Ou si on prend comme au début la même tariqa, la'allahu. لعله c'est أظهر كما قال شيخ العثيمين اسم المطلق هنا c'est on le fait pas rentrer dans l'iman dans ce cas-là أي الفاسق avec l'explication إن شاء الله ça va être plus clair قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. Donc هنا الاسم المطلق c'est quoi? C'est المؤمنون. C'est qui les croyants? إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم etc. Les croyants c'est ceux quand ils entendent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom d'Allah azza wa jal, ça fait monter leur foi etc. Certains croyants ils ressentent pas ça. Tu peux lire le Coran, tu peux citer des adhkar et la akhira, ça lui fait pas bouger le cœur, ça lui fait rien. Pourtant c'est un croyant, lakin il rentre pas fi هذا في اسم الايمان المطلق هنا. Pourquoi? Parce que هنا المؤمنون c'est ceux qui ont une haute foi. Cheikh al-Islam, pourquoi il a cité ces deux exemples? Pour te montrer là tu as deux choses. Tu as la foi qui augmente et tu as la foi qui descend. Celui qui fait des péchés, on dit pas que sa foi elle augmente. Ou plutôt, on dit pas qu'il a une foi élevée. Ah là, il y a celui qui fait des péchés, sa foi elle peut augmenter. S'il fait maintenant une hasana, une bonne action, sa foi elle montera. Lakin al maqsoud ona, c'est qu'il a pas une foi élevée. Donc on dira anna c'est pas un mu'min qui a une foi élevée. Et كذلك s'il fait des péchés, on lui retire pas la base de la foi. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Si tu as compris ces deux choses, بإذن الله عز وجل, tu comprendras l'égarement de l'Khawarij في هذا الباب. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. Ce hadith, vous avez remarqué que on a لفظ المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Celui qui fait zina, quand il fait zina, c'est pas un mu'min, c'est pas un croyant. Si tu as compris cette base importante que Cheikh al-Islam il a cité rahimahullah, tu as deux choses. قوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن, c'est pas un croyant qui a une foi élevée. لماذا؟ لأن tu as cette base. أن celui qui fait un péché, sa foi elle est pas élevée. مثلاً celui qui fait الزina, pendant qu'il fait الزina, là je sais que sa foi elle est faible. On va pas dire il fait الزina et sa foi elle augmente. عيادًا بالله. Et كذلك, on dit pas que celui qui fait الزina, c'est plus un mu'min. Donc tu as les deux. فقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, forcément, on va le comprendre selon la croyance des salafs, annahu quand il fait zina, il n'a pas la foi, ay une foi élevée. Si c'est un croyant, ça reste un croyant. Zina, ça ne va pas lui annuler complètement sa foi. Lakin l'échec que celui qui fait hada dhanb al-azim, sa foi, elle descendra jiddan. Et on a enfin un tambih, anna la foi, elle peut disparaître complètement. Les péchés, ça peut pousser l'insan, ayyadan billah, à sortir de l'islam complètement. À désespérer, à délaisser toutes les obligations, iyadan billah, à dire du kufr, à faire du kufr. Donc, les péchés, c'est très très grave. فلهذا بعض العلماء يقولون أن المعاصي c'est بريد الكفر. C'est le chemin qui emmène au kufr. Donc, عقيدة للسنة, elle donne de l'importance à ce sujet. لكن sans exagérer. Comme ils ont fait الخوارج. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ونقول. Et c'est ça le résumé. وهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم فسي c'est par rapport au ism. Donc le mot mutlaq, même dans le premier passage où on avait dit لعله سنجو, si c'est par rapport au ism فطيب, il n'y a aucun problème. Donc on dit ce mu'min qui fait des péchés, on dit c'est un mu'min naqisul iman. C'est un mu'min qui a une foi faible. Ou on dit c'est un mu'min bi imane. C'est un mu'min parce qu'il a la foi. Et c'est un fasiq parce qu'il fait des grands péchés. Donc ça nous montre anna fil insan, deux choses elles peuvent se rassembler. La foi et كذلك al-fisq. Et les péchés. C'est pour ça que quand on dit la foi, ça reste un croyant. Quand on dit les péchés, sa foi elle descend. Toutes ces masa'il, elles reposent sur ce fondement que la foi, elle monte et elle descend. Vu que le murji'a, indahum, la foi ne monte pas, ne descend pas, ils disent tout le monde est un croyant avec une foi complète. Il n'y a aucune différence pour eux entre la foi de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu et la foi d'un égaré à notre époque, un musulman qui fait beaucoup de péchés. Al-Khawarij, ils ont fait l'inverse. Celui qui fait un péché, un grand péché, il sort de l'islam. Nahnou là, on fait une différence entre celui qui fait des efforts et celui qui en fait moins. La foi, elle monte et elle descend. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah. Wa hadha tahqiq madhhab al-salaf. الذي باينوا فيه الخوارج باينوا أي فارقوا أي سلا ديفيرونس انتر السلف الخوارج و المرجئه le fait que la foi elle monte et elle descend. C'est pour ça que celui qui a cette aqida, on n'a pas le droit de l'accuser de murji, et celui qui a cette aqida, on n'a pas le droit de l'accuser de khariji. Fal insan yattaqi Allah, on n'a pas le droit d'accuser hakada par rapport al hawa. Celui qui fait partie de la secte des murji'a, c'est qu'il a Il contredit cette aqida fil iman. Et celui qui fait partie de l'Khawarij, c'est celui qui contredit ce point dans la aqida de Ahl-Sunnah. Qala wa hadha tahqiq madhhab as-salaf alladhi bayyana fihi al-Khawarij al-Mariqin alladhina yaslibun al-'usa. Donc al-'usa, c'est un synonyme de al-fasiq. Wa al-'usa, celui qui fait des péchés, al-fasiq, celui qui fait des péchés. قال اسم الايمان ويخلدونهم في النار دونك هذه الفرقه الخبيثه يكفر المسلمين كوز دي غران بيشي قال وبين فيه المعتزله الذين وافقوا الخوارج في المعنى وخالفوهم في اللفظ اساس من مكرهم ان المعتزله يقولون ان celui qui meurt et qui a fait des grands péchés et qui n'a pas fait de tauba il rentrera en enfer éternellement. Et khalafouhum fi al-lafz. Ça veut dire quoi khalafouhum fi al-lafz? Ça veut dire que ind al-mu'tazili, tant que ce asi, ce fasiq parmi les musulmans qui fait des péchés, tant qu'il est vivant, ils disent pas c'est un kafir. Lakin la tadhun, ne crois pas qu'ils disent que c'est un musulman. Ils ont inventé une bid'a wa hiya al-qawl bi al-manzila bayna al-manzilatayn. Ils disent on dit pas que c'est un mu'min, on dit pas que c'est un kafir. Et là, c'est très très grave. Les personnes, n'importe quelle personne, imma, c'est une mu'mina, imma, c'est une kafir. Tu ne peux pas trouver wahad, c'est ni un mu'min, ni un kafir. Abadan. Hum qalou bihada. Amma fil akhira, wafakul khawarij. Amma s'il meurt, ils disent comme les khawarij qu'il est éternellement en enfer. Enfin, fil haqqa, ils ont le même qawl. C'est la même voix fil iman. Qala amma al-kitab wa sunnatu fa innahuma dalla min wujuhin kathira ala anna al-abd yakun fihi khayrun wa sharrun wa iman. Ça c'est important. Anna, la même personne, elle peut avoir du bien, elle peut avoir du mal. Elle peut avoir des shu'ab min shu'ab al-shar et des shu'ab min shu'ab al-khayr. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'exagérer. Bard al-nas, wahid, il fait une mauvaise chose, il se comporte avec lui comme si c'était un kafir. Là. C'est pour ça que les ulama yaqulun anna notre comportement par rapport à haoula, on les aime et on les déteste. On les aime parce que c'est des croyants. Et on les déteste par rapport à ces péchés qu'ils font s'ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas se repentir. Donc tu peux aimer quelqu'un et le détester. C'est pour ça que al-asi, on leur donne al-huquq. Si tu passes salam, tu lui réponds, sauf dans certains cas, si al-hajr il est bénéfique, etc., comme on a déjà expliqué kathira. Si il meurt, on fait salat sur lui. Kadhalik, si il fait partie de ceux qui peuvent recevoir zakat, enfin, on peut lui donner zakat. Il a akhre. Bien sûr, avec des temps faciles. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu fais passer un homme pieux avant? Ça, c'est des autres questions, bien sûr. Lakin, on parle, nahnou, min hayth al-asl, à la base. À la base, on lui donne son haq. Et kadhalik, on se comporte avec lui par rapport à ses péchés. C'est pour ça qu'on peut l'aimer fillah et lui faire le hajr. On l'aime parce que c'est notre frère et on lui fait le hajr. قال بارابور ا سي بيشي وان الايمان المطلق انما يتناول الايمان الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون ونحو ذلك من النصوص. نعم سا سامونت قوله انما المؤمنون هنا سا با دير كو سولي كي في باسي شوز سان كافر فانتبهوا. لأن الخوارج انحرفت لماذا؟ لأنهم ils ont pas compris les textes avec la compréhension des salaf. Ne pas comprendre que celui qui ne fait pas ça, celui qui ne fait plus ça, c'est plus un mu'min, forcément c'est un kafir. Là, là tu connais une règle, là. Ça peut être nafil iman, al kamil al wajib. Hey, c'est pas un mu'min, et il n'a pas la foi qu'il devrait avoir, la foi obligatoire, et sa foi l'a diminué à cause des péchés. Lakin, il a encore la foi, ça reste un croyant. قال واما مطلق الايمان on a dit مطلق الايمان اي الاصل اصل الايمان او الايمان الناقص la foi qui est faible donc ce croyant il a la base il croit Allah subhanahu wa ta'ala en ses anges etc لكن sa foi l'a diminué à cause de certains péchés قال واما مطلق الايمان الذي يدخل فيه الايمان الكامل والايمان الناقص فانه قد ثبت بالنصوص بالنصوص الكتاب والسنه على اطلاقه على العصا من المؤمنين نعم مطلق الايمان on peut pas le retirer des croyants même s'ils font des péchés قال واجمع على ذلك سلف الامه وائمتها قال تعالى فتحرير رقبه مؤمنه ومن المعلوم دخول اي مؤمن كان هذا qu'on a cité quand on a lu le matn فتحرير رقبه مؤمنه Si tu dois affranchir un esclave, tant que c'est un croyant, si tu l'affranchis, t'as fait ce que tu devais faire. Même s'il a des péchés, même s'il est mauvais, même, tant que c'est un croyant. Si c'est un kafir, là. Donc ça nous montre que les croyants, s'ils ont la foi, enfin, ça reste des croyants. Malgré que leur foi, elle est baisse, elle est faible, plutôt. قال وكذلك قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم فسماهم إخوة بعد وجود الاقتتال وهي كبيرة جدا c'est un très grave péché l'iqtital de combattre son frère musulman de tribu de pays de groupe de famille qui s'entretuent parmi les musulmans c'est très grave مع هذا قال عز وجل فأصلحوا بين أخويكم réconciliez entre vos frères enfin Allah عز وجل il les a appelés frères pourtant la chèque en a un des deux groupes il est injuste فلهذا قال عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى si un de ces deux groupes il est injuste ça montre bien que forcément un des deux groupes il est injuste et un des deux groupes il a raison لكن الخوارج عياذا بالله tout ça ils l'ont laissé poursuivre leur passion ويقال أيضا في توضيح ذلك الإيمان الممدوح الذي يؤتى به في سياق الثناء على أهله إنما يتناول الإيمان الكامل والإيمان الذي يقال لصاحبه إنه من المؤمنين يدخل فيه هذا وهذا ويقال أيضا نعم quand on dit المؤمنون فلا شك s'englobe ceux qui ont une foi élevée et كذلك s'englobe ceux qui ont des faiblesses dans leur foi قال والإيمان الذي يقال لصاحبه إنما إنه من المؤمنين يدخل فيه هذا ويقال هذا وهذا ويقال أيضا الإيمان الذي يمنع صاحبه من التجري على الزنا وشرب الخمر هنا il explique le hadith que l'imam Ibn Taymiyyah رحمه الله il a cité في المتن أي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن celui qui fait zina pendant qu'il fait zina c'est plus un croyant قال رحمه الله ونحوها من الفواحش هو الإيمان الكامل والإيمان الذي لا يمنع من ذلك هو الناقص. Donc قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي الإيمان الكامل. Il peut pas faire azina, l'adultère, forniquer, alors qu'il a la foi et une foi élevée. Forcément, si c'est un croyant, sa foi l'a diminué jiddan. Et cette foi qui est faible, elle l'a pas empêché de faire zina. Donc il a fait ce péché malgré qu'il a la foi. هكذا comprend le hadith. قال وهذا هو وجه الحديث الذي ذكره المصنف لا يزني الزاني إلى آخره. ويقال أيضا الإيمان الذي يمنع من دخول النار هو الإيمان الكامل. والإيمان الذي يمنع من الخلود فيها يكون إيمانا ناقصا. تأمل هذا الفقه de cet imam. Quelques lignes, il cite des exemples jamila pour te montrer, pour te convaincre, pour que tu sois sûr. أن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان سالحق نأوكان دوت وأحذر من شبهات الخوارج فالإيمان الذي يمنع من دخول النار la foi qui empêche de rentrer en enfer c'est la foi élevée ولهذا ceux qui ont la foi élevée ils rentreront pas en enfer ils rentreront directement في الجنة ثم قال والإيمان الذي يمنع من الخلود Et la foi qui empêche le croyant de rester en enfer éternellement, c'est la foi faible. Ou la foi qui était très très basse. Vous avez remarqué que ce mu'min, à cause de ses péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra le faire rentrer finnar, lakin vu qu'il a la foi, il ne peut pas rester éternellement en enfer. Donc la foi, imma, elle t'empêche de rentrer en enfer et rentrer directement au paradis. Ça, c'est ceux qui ont la foi, walillahil hamd, élevée, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a pardonné leur manquement. On n'est pas infaillible. Et si certains croyants ils rentrent en enfer, c'est à cause de certains péchés. Et s'ils ont fait des péchés, forcément leur foi, elle avait diminué. هذا هو معتقد أهل السنة. عند السنة مؤمن. Il peut pas rester en enfer éternellement, peut-être. Même s'il avait une foi très très faible. فلهذا قال الشيخ سعدي وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه حبة خردل من إيمان. كما جاء في الحديث أخرجوا من في قلبه حبة خردل من إيمان. Faites sortir de l'enfer. هكذا الله سبحانه وتعالى il dira. Faites sortir de l'enfer celui qui a le poids d'un atome de foi dans son cœur. Là, chacun a ce iman qui est comparé à habbatul khardal. C'est un iman qui est très très faible. Malgré cela, il sera utile à ce mu'min. عند الخوارج أبدا. C'est pour ça que الخوارج تذكرون ينكرون هذه الشفاعة. لأن ce hadith qu'on vient de citer, c'est hadith الشفاعة. C'est pour ça qu'ils le rejettent. Les annoum, ils ont la aqida. Celui qui meurt, qui a fait des grands péchés, il va en enfer éternellement. Qala wa yuqal aydan. Dernier point. Al-ahkam al-usuliyya wal-furu'iyya tadour ma'a asbabiha wa ilaliha. Wa idha wujida fil-abd asbabun muta'arida. Umila ou amila kullu sababin fi musabbibihi. فالطاعات سبب لدخول الجنة والثواب والمعاصي سبب لدخول النار والعقاب فأعمل كل واحد في مقتضى. Et là, c'est un calme jamais. لماذا؟ لأن on a des textes qui montrent que le croyant, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, etc., il rentrera au paradis. Beaucoup de textes. On a des textes qui disent celui qui fait telle chose, il rentrera en enfer. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا إِلَى آخِرِ. Et مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. Beaucoup de textes sur la gravité des péchés. Celui qui fait tel péché, il goûtera au feu. Celui qui fait des péchés, il ne fait pas partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a akhiré. Beaucoup de ahadith. Il ne fait pas partie de la communauté. الشرح العلماء يقولون أي من فعل كذا فليس منا أي ليس من طريقتنا أي ça fait pas partie de notre voie. أما لا شك أنه il fait partie de la communauté du prophète صلى الله عليه وسلم على عقيدة أهل السنة. Donc tu as ce genre de tu as deux genres de textes, les textes qui montrent que le mu'min rentrera au paradis, et une autre catégorie de textes qui montrent que celui qui fait des péchés risque le feu, etc. Cheikh Saadi قال الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع أسبابها وعللها. On a des règles dans notre din, أن chaque chose elle est liée à une cause. مثلاً, si tu fais des péchés, tu risques l'enfer. Si tu fais des bonnes actions, tu pourras rentrer au paradis. قال وإذا وجد في العبد أسباب متعارضة. Si dans un être humain, plutôt dans un croyant, on a les deux cas. On a des œuvres qui fait, ça peut le faire rentrer au paradis. Et on a des choses qu'il fait, ça peut le faire rentrer en enfer. Pourquoi ? Parce qu'on a les deux textes. فَقَالَ الشَّيْخُ سَعْدِي رَحِمَهُ اللَّهِ فَالطَّاعَاتِ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ. Les bonnes actions, c'est une cause pour rentrer au paradis. وَالْمَعَاصِي سَبَبٌ لِدُخُولِ النَّارِ وَالْعِقَابِ. Et les péchés, c'est une cause pour rentrer en enfer et pour se faire châtier. Bien sûr, pour le croyant, c'est pas éternellement. قَالَ الشَّيْخُ سَعْدِي, c'est quoi la solution ? فَأَعْمِلْ كُلَّ وَاحِدٍ فِي مُقْتَضَاهُ. Applique tous ces adilla. Hey, ce croyant, il peut rentrer en enfer, parce qu'il y a des textes qui le montrent. Et ce croyant, il rentrera forcément au paradis, parce qu'il y a des textes qui le montrent. Donc, on applique les deux. C'est pour ça que Sunni, il a la aqida, un croyant, il peut rentrer en enfer, thumma, il peut rentrer au paradis. Amma inda ahli dhalal, khawarij wa mu'tazila, etc. Hum yaqulun la, si tu rentres en enfer, c'est éternellement. C'est pour ça qu'ils ont rejeté al-shafa'a. Fa relis hadha al-kalam. Et réviser هذا الكلام et apprenez هذا الكلام النفيس. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il a résumé la voix des salaf dans l'iman avec quelques lignes. Et شيخ سعدي رحمه الله il a embelli هذا الكلام avec هذا الشرح النفيس. Et فالحقيقة celui qui veut résumer هذا الكلام, tu pourras pas trouver إلا أن يشاء الله un كلام aussi clair, aussi résumé, qui est basé sur l'adilla. On doit en profiter, on doit le propager. ثم قال ولكن لما كانت رحمة الله قد سبقت غضبه. نعم كما جاء في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي وفضله على العباد قد غمرهم وتنوع عليهم من كل وجه كان أقل القليل من الإيمان له الأثر المستقر الذي يضمحل ضده من كل وجه وإن كان معه شيء من الإيمان فإنما آله إلى الخلود في دار النعيم. Et on a cette base أن الله عز وجل il est غفور et il est رحيم. Ce croyant, même s'il a un minimum de foi, il restera jamais éternellement en enfer. C'est pour ça que ces hasanats, elles prendront le dessus. On a la aqida, on a ce croyant qui a fait beaucoup de péchés, Allah, il peut tout lui pardonner, il rentre même pas en enfer. Quand on a expliqué, on a celui qui fait des péchés, il peut rentrer en enfer, c'est pas forcément, c'est pour ça qu'on a dit, il peut, là. Certains, ils ont fait des péchés, ils rentreront directement au paradis. Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Mais si on qadr qui rentre, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Si il rentre, il sortira forcément un jour. C'est pour ça que قال الشيخ سعدي هنا نعم من كل وجه كان أقل القليل من الإيمان له الأثر المستقر الذي يضمحل ضدهم من كل وجه. Un peu de إيمان, ça sera très très utile pour صاحبه. Et tathkuroun hadith al-bitaqa, cet homme yom al-qiyama qui aura fait beaucoup de péchés, beaucoup, beaucoup, ils seront posés sur un plateau de la balance. Et il aura une hasana, il aura une bonne action, une carte sur laquelle c'est écrit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Le témoignage. « Lillah bil-wahdaniya et lil-rasul bil-risala ». Il aura ce témoignage. Et ce témoignage, c'est l'iman. La balance, elle penchera du côté de l'Iman. Hadith, c'est une bouchera pour le mu'min. Donc, on fait attention à l'exagération des khawarij. Et on fait kadalik, attention au laxisme de Ahl al-Dhalal min al-Murji'a. Le juste milieu, les péchés, c'est très très grave. Lakin, on n'exagère pas et on prétend que ça fait sortir de l'islam. Ou ça, c'est la cause pour rester en enfer éternellement. Abadan, on a des textes clairs. Il y a bien sûr, ma'asiyatu, al-shirk wal-kufr, le grand kufr. Ou le coffre majeur et le shirk majeur, c'est de la mécréance. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Avant de finir, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Na'am, qal wa khalafa ahlu sunnati bi hadha ta'ifatan bid'iyatan mutatarrifatan. Deux groupes extrémistes qui ont khalafa ahlu sunnati. Le premier extrême, le premier groupe, al-murji'a. يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان. ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عنده. Donc, al-murji'a, ils ont dit que l'Iman, c'est une reconnaissance dans le cœur, une croyance dans le cœur, c'est tout. Les œuvres, c'est pas من الإيمان. C'est pour ça que عندهم l'Iman, il monte pas, il descend pas. Tu fasses beaucoup d'actions, tu fasses beaucoup de péchés, tu auras le même Iman. Et ça, là, je sais que c'est de l'égarement. Et alhamdulillah, cette secte, on a fait un dars pour détailler l'égarement de l'Murji'a dans notre série sur les sectes en islam. Le deuxième groupe, al-Khawarij wa al-Mu'tazila. قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في بقائه فمن فعل معصية من كبائر خرج من الإيمان. Eux, ils ont dit, comme Ahl al-Sunnah, أن la foi, c'est parole, croyance et action. لكن, ils ont exagéré, ils ont dit, celui qui fait un grand péché, ça annule tout ça. Et il n'a plus la foi. Ha'oula, c'est Al-Khawarij. Al-Khawarij, ils ont dit, c'est un kafir fi dunya. Et il sera éternellement en enfer fi l'akhira. Et Al-Mu'tazila, ils ont dit, fi dunya, on ne dit pas que c'est un kafir, on ne dit pas que c'est un croyant. Il est entre les deux. Et fi l'akhira, dans l'au-delà, il sera en enfer éternellement. Et kadalik, ces deux groupes, Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij, on les a expliqués dans notre série de cours sur les sectes en islam. La série qu'on a fait et qu'on n'a pas fini, et nas'alullah azza wa jal de nous faciliter pour finir, elle est très très importante. Liana, tous ces groupes, ils ont dévié fil aqida. C'est pour ça que chaque groupe, ils ont des déviances dans l'aqida qu'on a essayé de simplifier. Walillahi alhamd. Naktafi bihada. Et on a fini hada al-asl al-muhim. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala al-iman hatta nalqa. Et prochainement, comme on a dit, on essaiera de lire le livre de Cheikh Saadi sur l'Iman pour détailler certains points qu'on n'a pas détaillés ici. Shajaratul Iman, c'est un livre très très profitable. Oh, alhamdulillah. Et on passe à notre deuxième dars. Bi idnillah azza wa jalla.